إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 22 dans la lecture du livre Al-Fitna wa Mawqif al-Muslim minha, c'est-à-dire la fitna et la position que le musulman doit avoir vis-à-vis de celle-ci. C'est le livre du Cheikh Dr Mohammed Ibn Abdul Wahhab Al-Aqil. Donc, on commence maintenant, et le point qu'on commence à expliquer aujourd'hui, c'est bien entendu que, yani, on a expliqué dans les cours précédents des exemples, yani, d'entre les salafs, des différents personnages, parmi les personnages de notre histoire islamique, parmi les grands imams des salafs. Et comment ils ont affronté les différentes fitanes qui sont apparues à leurs époques respectives. On est arrivé à l'exemple numéro 10, Al-Mawqif al-Ashir, wa huwa Mawqif Shaykh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. C'est-à-dire la position du Shaykh Muhammad, Shaykh al-Islam, le réformateur de la religion, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. On va commencer tout de suite en lisant ce que le Cheikh Mohammed al-Aqil a expliqué au sujet de ce grand imam et comment il a affronté les fitanes de son époque. Le Cheikh explique: Wulida Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi في مطلع القرن الثاني عشر وقد اشتدت غربة الدين لغلبة الجهل واستعلاء ذوي الأهواء والضلال فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة. الشيخ il explique que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, ça c'est son nom, le nom de son père c'est Abdul Wahhab et le nom de son grand-père c'est Sulayman. Donc Muhammad, fils de Abdul Wahhab, fils de Sulayman. At-Tamimi, c'est la tribu, hein, la tribu de Banu Tamim. Donc ça c'est son nom. Il est né dans le début du 12e siècle. En 1115 ou 1105, si je me souviens bien, hein. Et donc il dit ensuite, à l'époque où il est né, le cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a dû faire affronter beaucoup de problèmes, hein. Il dit qu'à son époque la religion était devenue très étrange à cause de l'ignorance qui avait pris le dessus, hein, sur la société et sur les gens de l'époque. Donc la religion était devenue étrange, ghurbatuddin, et les gens qui avaient qui suivaient leur passion, les gens de l'égarement, étaient au-dessus. C'est eux qui avaient l'autorité, c'est eux qui avaient le pouvoir. Et ils ont laissé derrière leur dos le livre d'Allah. Et ils ont suivi ce qu'ils ont trouvé, ou ils ont suivi ce sur quoi ils avaient trouvé leurs parents, leurs ancêtres, parmi les différentes formes d'égarement de l'époque. فعادوا إلى عبادة الأولياء والصالحين وأمواتهم وأحيائهم يستغيثون بهم في النوازل والحوادث يستعينون بهم على قضاء الحاجات وتفريج الشدائد والكربات بل إن كثيرا منهم كان يرى في الجمادات كالأحجار والأشجار القدرة على تقديم النفع ودفع الضرر وقد زين لهم الشيطان أنهم ينالون بذلك ثوابا لتقربهم إلى الله عز وجل. Donc ils sont retournés, les gens sont revenus à l'adoration des saints et des hommes pieux, et à l'adoration des morts et des vivants parmi eux, et à la recherche ou à l'appel du secours, hein, à l'appel du secours des hommes pieux. Ils appelaient au secours et ils appelaient à l'aide les hommes pieux et les saints parmi les vivants et les morts, dans les différentes difficultés qu'ils avaient et dans les malheurs qu'ils avaient et dans les différents accidents qu'ils avaient. Et ils demandent leur aide pour régler leurs besoins, et pour les libérer et les délivrer des différentes difficultés et des différentes catastrophes qu'ils avaient. Et beaucoup d'entre eux même allaient jusqu'à croire en certaines choses inertes. Hein, ils avaient une croyance même dans certaines pierres, certaines roches, certains arbres. Hein, ils leur donnaient la capacité de ramener un bienfait quelconque ou de repousser un mal. Et tout ça, c'était par l'embellissement du shaitan, hein, que le shaitan leur a embelli ces choses-là, hein, et leur a fait croire que, en faisant ces différentes choses-là, ils pouvaient avoir une récompense et que ça pouvait les aider à les rapprocher d'Allah. وَقَدْ انْتَشَرَ هَذَا الضَّلَالَ حتى عم ديار المسلمين كافة فاختلفوا وتفرقوا وذلوا وهانوا وضرب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وقد صار هذا الاختلاف حتما مقضيا وقدرا مقدورا مصداقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن أمته ستتبع سنن من كان قبلهم وستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le Cheikh dit que cet égarement s'était propagé et s'était répandu jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui soit généralisé dans les différentes contrées des musulmans, dans toutes les différentes contrées des pays musulmans, les gens se sont donc divisés et ils ont divergé et se sont divisés et ils se sont à cause de ça ils ont été rabaissés et humiliés et ils ont commencé à se frapper les uns les autres et à se tuer les uns les autres, et cette divergence est devenue une chose définitive, déterminante par la suite, et quelque chose qui était mesuré et calculé, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que cette chose-là allait se produire, que c'est quelque chose qui était prédestiné, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé que sa Ummah allait suivre les exemples des gens qui étaient avant eux et des peuples qui existaient avant eux, parmi les différents peuples comme les Juifs et les Chrétiens, et ainsi de suite. Et qu'ils allaient se diviser en 73 sectes, et qu'elles seraient toutes en enfer excepté une. Donc, tout ça, ça avait été mentionné et clarifié. وَلَيْسَ الْغَرَضُ إِسْتِيْعَابُ مَا وَقَعَ مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَالْإِفْتِرَاقِ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ بَيَانُ مَا حَدَثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ الذي أصبح فيه المتمسك بدينه كالقابض على الجمر فقد والله تفاقم الأمر وعظم وأطلت الفتن وانتشر الضلال وعمت البدع وأقل الاكتراث بالدين وقل الاكتراث بالدين وكثر المبطلون. Donc le cheikh il dit le but c'est pas de mentionner tout ce qui s'est produit et tout ce qui est arrivé comme division, comme divergence et comme division, mais seulement de se limiter au but de clarifier ce qui est arrivé à cette époque là en particulier dans laquelle ou dans lequel, dans l'époque dans laquelle le fait de s'accrocher à la religion était devenu comme le fait de s'accrocher à un charbon qui est brûlant et ardent, parce que par Allah là, les problèmes sont devenus énormes à cette époque et les fitanes se sont propagées et les égarements s'est répandu et les bid'as sont devenus généralisés. Et la préoccupation, le peu de préoccupation vis-à-vis de la religion est devenu à son plus haut niveau, ou un niveau très élevé à l'époque. Et les imposteurs étaient de plus en plus nombreux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le cheikh il dit ensuite, wala qad ajma'al a'imma wa tafaqat kalimatuhum على أن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ولا يعمها بالسفاهة والجهل فعصمتها مستمرة إلى انقضاء الزمان لا ينكر ذلك منكر لثبوته في صحيح الأخبار فلما عمت فتنة الشهوات وأصبح هم الخلق منصرفا إلى الدنيا وزينتها وارتكبوا المعاصي والكبائر وأصبحوا متباغضين متدابرين بعد أن كانوا إخوانا متناصرين. Donc le cheikh il dit que la umma il dit que les imams de la umma se sont tous réunis et leur parole a été en accord sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas réunir cette umma sur un égarement. Hein? Et que elle ne peut pas être généralisée par la faiblesse d'esprit et l'ignorance. Hein? C'est-à-dire que l'égarement ne peut pas être une chose sur laquelle toute la umma va s'unir en même temps. Et la faiblesse d'esprit et l'ignorance ne peut pas être également la chose sur laquelle toute la umma va s'unir en entier. Parce que l'infaillibilité de la umma, elle continue jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a personne qui peut renier ça ou douter de ça, parce que cette chose-là, elle a été affirmée dans les narrations authentiques et dans les rapport authentique de la religion. Et le cheikh il mentionne en note de bas de page, il dit wa min dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tajtami'u ummati ala dalalah rawahu al-hakim fi al-mustadrak wa sahahahu. C'est-à-dire que parmi les preuves de cela, il y a le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionne que sa umma, il dit ma umma ne va pas s'unir sur l'égarement. Et c'est rapporté par Al-Hakim dans le hadith du livre qu'on appelle Al-Mustadrak. Par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et il a authentifié ce hadith. Et c'est dans le volume 1 à la page 200. Donc, la Umma ne peut pas s'unir sur l'ignorance, ne peut pas s'unir sur l'égarement. Hein? Il y a toujours une partie de la Umma qui va rester sur la vérité, hein, et qui va être sur Al-Haqq, sur la Sunna. Le Cheikh Zifalam Ma'ammat, donc, lorsque la fitna des différentes passions et désirs illicites s'est propagée, est devenue généralisée, et que le seul désir, le seul objectif ou le désir des hommes s'est retourné vers la dunya et vers les parures et les beautés de cette dunya, et que les gens ont commencé à commettre toutes sortes de différents péchés et de parmi les grands péchés, et que les gens ont commencé à se détester les uns les autres et à se tourner le dos les uns des autres après avoir été des frères qui se viennent en aide les uns les autres et qui sont les uns au secours des autres, hein? Donc ça c'est un point. Le Cheikh dit amma fitnatu ash-shubuhat, donc ça c'est sur le plan des péchés et des déserts et des passions, hein, illicites. Maintenant sur le plan des shubuhat, hein, c'est une autre question. Parce que les ruses du shaitan et les garments du shaitan, elles viennent toujours de ces deux côtés-là ou de ces deux aspects-là. Hein, l'aspect des shahawat et l'aspect des shubuhat. Les shahawat, ça a rapport avec les péchés et les désirs et les tentations, les choses illicites. Les shubuhat, ça a rapport avec la croyance et la religion, hein, l'adoration, c'est-à-dire les doutes et les ambiguïtés, et les choses qui amènent quelqu'un vers des fausses croyances et de l'égarement dans les passions qui ont rapport avec la religion, la croyance et les choses de ce genre. Donc les shahawad, c'est plus sur le comportement et les péchés et les actions. Et les shubuhat, c'est plus les choses qui ont rapport avec le cœur et la croyance et les choses de ce genre. Donc ça, c'est deux aspects par lesquels le shaitan essaie de s'attaquer à l'homme. Alors le cheikh il dit وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فسببها تفرق المسلمين فصاروا شيعا وفرقا وأحزابا يعمهون في الضلال ويفتحون أبواب البدع والغي فتحاسدوا وتباعدوا وتقاطعوا بعد أن كانوا على قلب رجل واحد ولم ينجو منهم إلا الفرقة الناجية وهذا بالنسبة للحالة الدينية وجميع الأمور تبنى عليها فإن الدين هو القلب فإذا فسد فسد الجسد كله فقد فسدت بفساد الدين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. Donc le cheikh explique. Il dit en ce qui concerne les passions, les fitan qui ont rapport avec les doutes et les ambiguïtés, les shubuhat, et les passions égarantes et qui égarent, eh bien, la cause de ces choses-là, il dit que c'est la division des musulmans. Alors, une des conséquences de ça, c'est la division des musulmans. Et c'est causé donc par les shubuhat et les shahawat, et à cause de ça ils deviennent différents groupes, différents partis, hein, différentes sectes, et ils s'enfoncent dans l'égarement à cause de ça, et ils ouvrent les différentes portes des innovations et de la déviation. Donc ils ont commencé à cause de ça, les musulmans ont commencé à être jaloux des uns des autres et à s'éloigner les uns des autres et à se couper les liens des uns des autres, après avoir été comme le cœur d'un seul homme. Et personne n'a été épargné de ça, excepté le groupe sauvé. Et ça, c'est par rapport à ce qui a rapport avec la situation religieuse de l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, on sait que, comme le Cheikh il explique, que toutes les affaires sont établies et fondé sur la religion et sur les affaires religieuses, et que si, étant donné que la religion c'est c'est le cœur. C'est le cœur de la vie, c'est le cœur de la société, c'est le cœur de tout. Donc si la religion ou l'aspect religieux est corrompu, alors dans ce cas-là, le corps tout entier sera corrompu, puisque la religion c'est le cœur. Donc si le cœur est corrompu, le reste du corps sera corrompu aussi. Et donc c'est pour montrer qu'à l'époque, étant donné que la situation religieuse était devenue corrompue, eh bien c'est normal que l'état social et politique et économique et politique était également corrompu. Et ça c'est ce qu'on constate, pas seulement à l'époque du cheikh, mais ça c'est à toutes les époques. Et ça c'est quelque chose de général, que lorsqu'il y a dans la société une corruption sur le plan de la religion et de la croyance, eh bien ça entraîne automatiquement de la corruption sur les autres aspects, sur les autres points de vue. Hein. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, ils ne comprennent pas cet aspect-là, puisqu'ils souvent ils regardent les choses uniquement sur le plan matérialiste. Et quand ils voient, par exemple, les choses de l'extérieur, sans aller en profondeur, eh bien, ils voient, par exemple, un certain développement technologique, un développement économique, et ils s'imaginent que automatiquement ça c'est un signe que tout va bien et que c'est positif. Tandis que en dessous de ça, il y a une corruption profonde, hein, à partir de qui part depuis les fausses croyances et qui vont jusque dans le reste des différents aspects sociaux, économiques et politiques, mais souvent les gens ne réalisent pas ces problèmes-là uniquement après que les choses commencent à aller mal. Hein, après que les choses commencent à aller mal en apparence. Et donc là les gens commencent à se remettre en question, mais sinon ils continuent à vivre dans leur insouciance et à continuer dans leur égarement. Et c'est ça le cas maintenant, qu'est-ce qu'on constate. Allahu al-musta'an. Ensuite le cheikh il dit فقد كانت الحروب بين البلدان النجدية التي ولد فيها الشيخ قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة مستمرا وحادا وعنيفا ولذا كانت نجد متمزقة بين إمارات صغيرة متفككة تحكم بغير كتاب الله وتهتدي بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كل قرية أمير وفي الوقت نفسه يتهدده طامع في إمارته وربما يكون أقرب أقربائه فهو خائف مخيف وسياسته انبثقت من هذه الحالة وما كان بين أمراء القرى في الغالب وفاق ولكن كل أمير يتربص بالآخر ويتحين فرص الوثوب عليه وقد وصل الحال إلى أن القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر كل منهم يدعي لنفسه الولاية. Donc le cheikh il explique que il y avait dans les différentes villes du Najd de l'époque des grandes guerres entre chaque ville. Et ça c'est dans la région dans laquelle le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est né. Donc il y avait des grandes guerres et des disputes et des conflits entre les tribus, différentes tribus qui étaient là-bas. Et ces différentes guerres et ces différents conflits étaient perpétuels et très violents parfois, hein, très grands et très violents. Et donc le Najd était divisé en différents émirats, des petits émirats, toutes séparés et divisés l'une contre l'autre. Et bien entendu, il jugeait selon autre que le livre d'Allah. Et il prenait comme référence dans la guidance une guidance autre que celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. et dans chaque village il y avait un amir, et en même temps chaque amir menace l'autre et aspire à essayer de prendre sa ville, ou bien le pouvoir ou le contrôle de sa ville, et de devenir l'amir de l'autre ville. Et peut-être que même parfois, ça se passait même entre des proches, c'est-à-dire les personnes les plus proches, hein, dans les liens de parenté. C'est-à-dire, ils se volaient ou ils essayaient d'usurper le pouvoir de leurs proches, même si c'était une personne très proche d'eux. Donc, ils avaient peur et ils faisaient peur aux autres. Ils essayaient de faire peur aux autres et ils étaient épeurés par la menace que représentaient les autres aussi. Et donc, la politique, l'état politique ou la situation politique de l'époque, eh bien, elle découlait de cette situation ou de cet état-là qui régnait à l'époque dans cette région-là. Et yani, il était courant également, c'est-à-dire qu'à l'époque, entre les différents dirigeants, en général, il n'y avait pas vraiment d'entente. Il n'y avait pas vraiment de traité ou d'entente ou de contrat, d'entente de paix ou de pacte entre les différentes régions et les différentes villes et les différents dirigeants. Chaque amir craignait, était aux aguets par rapport à l'autre. Et ils attendaient les différentes opportunités, les différentes les occasions pour essayer d'attaquer l'autre. Et l'affaire arrivait parfois même au point où on trouvait dans une même ville un déchirement entre deux amirs, ou même trois amirs, ou même plus, qui se détestaient et qui s'opposaient les uns les autres. Hein, et tout ça, pendant tout ce temps-là, chacun prétendait être celui qui était le dirigeant. Et il donne comme exemple ou référence à ce sujet le livre du docteur Saleh ibn Abdullah al-Uboud dans son livre Aqidat al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. La Aqidat du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit ensuite: وَأَمَّا عَاصِمَتُنَا وَأَمَّا عَاصِمَةَ الْإِسْلَامِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فلم يكن حالهما بأحسن من غيرهما من بلاد العالم الإسلامي من الناحية العلمية والدينية والسياسية، فقد انتشر بهما الشرك والبدع والخرافات والبناء على القبور وتعظيمها والحج إليها وزيارتها واختلاط الرجال بالنساء وفعل الفواحش والمنكرات وارتفاع الأصوات عندها بالدعاء والاستغاثة وتقديم الفدية وتعفير الخدود والانحناء والسجود خضوعا وتذللا وسؤال أصحابها الحاجات وتفريج الكروبات، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث للدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ولكنهم والعياذ بالله رموا بكلامه عرض الحائط وأخذوا هذه البدع والشركيات واتخذوها دينا من غير نكير من خاصهم ولا عامتهم. Donc le cheikh explique ici que en ce qui concerne les deux capitales de l'islam, la Mecque et Al-Madina, eh bien, il dit que leur situation n'était pas meilleure que la situation des autres villes dans le monde islamique de l'époque, sur le plan scientifique, sur le plan de la religion et sur le plan politique. Parce qu'à l'époque, il y avait également beaucoup de formes de shirk et d'innovation et de superstition qui avaient été répandues et qui étaient présentes dans ces villes-là, dans la ville de la Mecque et de Médine. Par exemple, le fait d'avoir des bâtiments et des constructions sur les tombeaux, sur les tombes et le fait de vénérer les tombeaux et d'exalter les tombeaux, le fait de faire des pèlerinages aux tombes et de les visiter d'une façon qui est contraire à la sunna, hein, et qui contient des formes de shirk et des formes d'innovation. Là, il y avait également des formes de mixité entre les hommes et les femmes, et également la pratique de toutes sortes de turpitudes et de péchés, et l'élévation de la voix par l'invocation, par le fait de demander d'appeler au secours, c'est-à-dire ils élevaient la voix lorsqu'ils faisaient leur dua et ils cherchaient à appeler les saints et les morts à l'aide durant les doigts qu'ils faisaient pour demander à ces saints et à ces morts de leur venir au secours, à leur secours, ou de venir à leur aide, de leur donner de l'aide. Et ils leur offraient des sacrifices et ils se frappaient les joues. Et aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils s'inclinaient et ils se prosternaient en humilité, hein, devant ces tombes, et en soumission devant ces tombes. Et il demandait aux gens enterrés dans ces tombes de remplir leurs besoins et de les libérer, de les délivrer des différents malheurs qui les atteignaient. Et même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui a été envoyé pour appeler au tawhid et pour combattre le shirk, il faisait ça même avec sa tombe. Hein, wal'iyadu billah. Et ils ont lancer sa parole, c'est-à-dire la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, ils l'ont lancé sur le mur, hein, en voulant dire ils l'ont complètement jeté. Ils n'ont pas donné aucune importance aux paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le tawhid. Malgré les interdictions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces différentes innovations et de ces différentes formes de shirk, ils les ont quand même pris comme étant leur religion, sans que personne le condamne, ni des savants, parmi les savants, ni parmi les gens du commun. Ensuite, le cheikh il explique, il dit: ومن ذلك ما يفعل عند قبور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقبور غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم ولا يدخل الزائر مسلما إلا بعد أن يقدم هدية من دراهم أو طعام أو لباس فيجمع السندة من ذلك الشيء الكثير ولذلك لما دعاهم الشيخ رحمه الله ثاروا وغضبوا وآثروا هذه الدراهم على جنة عرضها السماوات والأرض وهذا من أعظم أسباب عداوتهم وحربهم لدعوة الشيخ رحمه الله. Donc le cheikh, il explique que parmi les différents exemples de shirk et de bid'ah, il y a ce qu'il faisait autour comme on a mentionné, autour de la tombe des saints et des awliya, et même autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il faisait autour et également ou près des tombes des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également les tombes d'autres parmi les sahaba également. Donc, en plus de ça, lorsque quelqu'un venait en visite à la Mecque ou à Médine et qu'il allait visiter ces différentes tombes, il ne pouvait pas rentrer excepté après avoir donné un cadeau en argent ou en nourriture ou en vêtements que les responsables de cette tombe ou de ce tombeau récoltaient et ramassaient. Hein? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent il y a des gens qui étaient responsables faire le nettoyage puis l'entretien de ces tombeaux-là quand les gens venaient visiter. Comme c'est le cas encore aujourd'hui dans différents pays musulmans où il y a des tombeaux, où il y a des dômes, où il y a des trucs de ce genre, eh bien il y a toujours ce qu'on appelle as-sanada, c'est-à-dire les responsables de l'entretien, ou bien même des fois c'est les descendants de ceux qui sont enterrés dans cet endroit-là, eh bien ils ramassent les dons, ils ramassent les donations, ils ramassent les offrandes, les trucs de ce genre, et ils les accumulent. Donc ça leur donne une richesse, hein, à cause de ça ils deviennent très riches. Et c'est pour cette raison-là que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab les a appelés au tawhid et à la sunnah, c'est pour cette raison-là que beaucoup d'entre eux ont refusé la da'wa du cheikh à ce moment-là. Lorsque le cheikh les a appelés, rahimahullah, eh bien ils se sont tous révoltés et ils se sont tous mis en colère, ils ont préféré l'argent au paradis que Allah leur a promis. Donc la grandeur est plus vaste que les cieux et la terre, et ça c'était une des plus grandes causes. Donc l'amour de l'argent était une des plus grandes causes de leur animosité et de leur guerre contre la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc vous allez voir parfois des gens qui opposent la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et à l'époque lorsqu'il a commencé sa da'wah, il avait beaucoup d'ennemis, et une des raisons pourquoi ces gens-là étaient opposés à sa da'wah, c'est justement parce que, pas parce que nécessairement c'est-à-dire pas nécessairement parce qu'ils ne savaient pas que c'était la vérité, parfois même ils reconnaissaient peut-être même que c'était la vérité, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains des mouchriquins et certains des juifs et des chrétiens, ils reconnaissaient que la da'wah du messager sallallahu alayhi wa sallam c'était la vérité, mais à cause de l'importance qu'ils avaient dans leur communauté ou dans leur peuple, ou auprès des gens, et à cause de l'argent qu'ils soutiraient des gens, à cause de justement ces positions ou ces choses-là qu'ils avaient accumulées, et à cause de l'argent que leur procurait le shirk, eh bien ils refusaient de revenir au tawhid et d'accepter la vérité. Parce qu'il disait, si on accepte la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais les gens vont arrêter de venir visiter les tombes. Et si les gens arrêtent de visiter les tombes, eh bien ça veut dire qu'ils vont arrêter de donner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de visiter les tombes dans le sens de visiter de la façon dont les mouchriquins et les gens de Bid'a le font. Ils vont plus venir faire des pèlerinages aux tombes et des choses de ce genre et adorer les morts et venir, donc ça va plus nous faire d'argent. Donc on va devenir comme tout le monde, on n'aura plus de privilèges sur eux, on n'aura plus la possibilité d'accumuler et de ramasser de l'argent. Donc il faut combattre la da'wah du cheikh. À cause de ça, ils ont commencé à opposer, à combattre la da'wah du cheikh. Donc ils ont échangé le paradis, le paradis que Allah a promis, pour un profit futile de la vie éphémère. Le cheikh il dit ensuite: ومن أسباب ذلك أيضا ظنهم أن دعوة الشيخ رحمه الله تقوم على القبلية الجاهلية التي حرمها الإسلام لأنهم ذاقوا من الأعراب الشيء الكثير من الظلم والنهب والسلب فقاسوا دعوة الشيخ الإمام القادم من نجد على هؤلاء الأعراب بدعوى انتساب الجميع إلى القبائل العربية وهذا قياس لا شك فاسد لأن العالم والداعية والمصلح لا يقاس على الجاهل وإن وافقه في الانتساب إلى بلد ou jama'atin ou qabila. Donc le cheikh explique que parmi les causes également du fait qu'ils ont refusé la da'wah du cheikh, c'est-à-dire les gens de... Là, on parle tout le temps, on parle de... Yani, depuis le chapitre précédent, on parle de l'état, qu'est-ce qui se passe à la Mecque et à Médine. Hein? Donc, parmi les... Donc, la première cause qu'on a dit pourquoi ils refusaient la da'wah, c'est à cause des différentes formes de shirk et de bid'ah qui existaient dans ces deux villes-là, et le privilège que ceux qui s'occupaient de ces lieux-là en retiraient sur le plan économique et autre. Maintenant, une autre des causes pour laquelle ils refusaient la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est à cause du fait que ils s'imaginaient que la da'wah du Cheikh était basée sur l'ignorance ou la jahiliya du tribalisme que l'islam a interdit. Parce que, il faut, comme le Cheikh il le dit, il faut comprendre que les bédouins ont donné beaucoup de problèmes aux gens de la Mecque et de Médine depuis très longtemps, puisque les bédouins avaient l'habitude de venir piller, de venir faire de l'injustice, hein, de voler. Donc les gens de la ville de la Mecque et de Médine se méfiaient des bédouins, se méfiaient des arabes parmi les bédouins. Et ils ont fait une analogie entre la da'wah de l'imam qui venait du Najd et entre ces bédouins, hein, à cause du fait qu'ils avaient un lien avec les différentes tribus arabes. Donc ils ont fait cette analogie. Bon, puisque ce sont des arabes et puisqu'ils viennent des tribus comme les bédouins, donc ça veut dire qu'ils vont faire la même chose que les bédouins faisaient, ils vont venir piller et voler et ainsi de suite. Et le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que cette analogie là, c'est une analogie qui est totalement fausse. Car le savant, un savant, un da'ya, quelqu'un qui appelle à l'islam, hein, avec science, compréhension et connaissance, et un réformateur comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne peut pas être comparé avec un ignorant, même si il y a le lien de parenté, ou s'il y a un lien commun sur le plan du pays d'origine ou du groupe ou de la tribu dont il fait partie, c'est-à-dire le fait qu'il a un lien avec les bédouins par rapport au fait qu'il vient de leur pays ou il vient de leur tribu ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est comparable à ce que ces bédouins-là faisaient, qui faisaient partie des choses qui sont contraires à l'islam. Le cheikh il dit wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Donc est-ce que on peut dire que celui qui sait et celui qui ne sait pas sont égaux? Donc ça c'est le verset 9 dans sourate Az-Zumar. Donc bien entendu c'est pas comparable, on ne peut pas les comparer, celui qui est savant et celui qui est ignorant, on ne peut pas les comparer. Le cheikh il dit ensuite في هذه البيئة المضطربة دينا وسياسة ولد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في بلدة العيينة يسر الله له أسرة ذات علم ودين، فأبوه وجده من كبار علماء بلده وقضاتها، فحرص أبوه عليه فحفظ القرآن قبل بلوغه، وقد لاحظ أبوه فيه حدة الفهم وسرعة الحفظ وتوسم فيه خيرا وازداد حرصه على تعليمه. Le cheikh il explique que dans tout cet environnement conflictuel qui est rempli de différents problèmes et de différents conflits et de différents troubles sur le plan religieux et politique, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab est né dans une ville qu'on appelle Uyayna. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité les choses sur le plan de la science du fait qu'il est né dans une famille de science et de religion et de piété. Son père, le père du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire son père qui est Abdul Wahhab, ainsi que son grand-père qui était Sulayman, faisait partie des grands savants de sa ville, faisait partie même des juges de la ville. Alors ils ont eu beaucoup d'aide, ils ont fait beaucoup d'efforts sur, hein, son père a fait beaucoup d'efforts sur lui pour l'inciter à la science et pour qu'il mémorise le Coran. Alors il a mémorisé le Coran avant d'atteindre la puberté. Et son père a remarqué également qu'il avait une compréhension très très affûtée, précise, et il mémorisait très rapidement. Alors son père a pensé du bien à ce sujet-là et il a augmenté son effort pour enseigner à son fils. Le cheikh il dit ensuite: وقرأ على أبيه بعض كتب الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله ثم بدأ بقراءة ما استطاع تحصيله من كتب العلماء في التفسير والحديث والعقائد فشرح الله صدره لمعرفة التوحيد ومعرفة نواقضه التي تضل عن سبيله فأخذ ينكر تلك البدع المستحدثة والشرك الذي كان قد فشى في نجد وكان رحمه الله رأى أن الأمر أعظم مما يظن وأن هذا البلاء المستشري في الأمة يحتاج إلى سلاح عظيم وهو العلم فرحل رحمه الله لطلبه حتى يكون أهلا لدعوة الناس إلى الله إلى دين الله فبدأ بحج بيت الله الحرام ثم أقام في المدينة المنورة حين أخذ فيه العلم عن عبد الله بن إبراهيم النجدي وعن الشيخ محمد حياة السندي ثم رجع إلى نجد فقصد البصرة وسمع الحديث والفقه من جماعة كثيرين وقرأ بها النحو حتى أتقنه ثم رجع إلى حريملة وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها سنة 1139 هجريا. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a lu avec son père plusieurs livres de fiqh, hein, selon le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Puis il a lu également ce qu'il était capable d'obtenir comme livres des ulama de tafsir et de hadith et de aqidah, de croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert sa poitrine à la connaissance du tawhid, lui a fait donner cet intérêt pour le tawhid et la connaissance de ce qui oppose le tawhid, ce qui détruit le tawhid et qui fait que quelqu'un s'égare de la voie du tawhid. Donc il a voulu connaître ces choses-là et les étudier en profondeur. Et il a commencé à condamner ces différentes innovations et des choses innovées et le shirk qui s'était répandu dans la région du Najd. Et il également, rahimahullah, il voyait que les problèmes et l'affaire étaient beaucoup plus graves que ce qu'il imaginait. Et que ce grand malheur qui pénétrait dans la Ummah avait besoin d'une arme vraiment grande et vraiment puissante. Et cette arme, c'est la science. Alors il est parti dans la quête de cette science, rahimahullah, jusqu'à ce qu'il puisse devenir quelqu'un apte à appeler les hommes à la religion d'Allah. Et il a commencé donc par le fait de faire le hajj à la maison d'Allah, al-haram. Puis il est resté un certain temps également à Médine, et il a appris la science des savants qui sont à Médine, comme le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Najdi, et également le Cheikh Mohammed Hayat al-Sindi. Puis il est retourné au Najd, puis il est parti vers la ville de Basra en Irak, et il a étudié là-bas le hadith, il a écouté le hadith et le fiqh de grands groupes de savants. Puis il a lu également des livres sur la grammaire jusqu'à ce qu'il arrive à maîtriser la grammaire. Puis il est retourné dans la ville de Huraymila, et son père Abdul Wahhab était déménagé à cet endroit-là en l'an 1139 de la Hijra. Ensuite le Cheikh il dit ولما رجع الشيخ رحمه الله الى حريملا وكان قد تمكن من العلم الذي يستطيع به الدعوة الى الله عز وجل ويستطيع رد شبه اهل الباطل التي توارثوها من مئات السنين اعلن رحمه الله دعوته واشتد في انكاره مظاهر الشرك والبدع وجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح للخاص والعام ونشر شرائع الإسلام وجدد سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يخش في الحق لومة لائم وحذر الناس والعلماء منهم خاصة تحقق وعيد الله في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Donc le Cheikh explique, il dit que lorsque le Cheikh est revenu de Huraymila et que il avait réussi à devenir ferme dans la science et qu'il a obtenu la science qui lui permettait maintenant de pouvoir faire la da'wah à Allah et d'inviter les hommes à Allah, et par laquelle il allait être capable également de réfuter les différentes ambiguïtés des gens de la fausseté, que les gens avaient hérité, dont les gens avaient hérité depuis des centaines d'années. Donc le Cheikh a commencé à divulguer sa da'wah et à faire ouvertement cette da'wah et à appeler donc au tawhid et à la sunnah, et bien entendu les gens ont commencé à avoir certaines personnes ont commencé parmi les gens de bid'ah à avoir une opposition à sa da'wah. Donc le Cheikh, lui, pourquoi ils ont eu cette opposition? Parce que il a commencé à dénoncer et condamner les différentes formes apparentes de shirk et de bid'ah, et il a fait beaucoup d'efforts dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et il a donné beaucoup de conseils également aux musulmans, en particulier dans le sens des particuliers, dans le sens des élites d'entre les musulmans parmi les ulama. Il leur a donné des nosh, des conseils, et également le commun d'entre les musulmans aussi, en les appelant à l'application des principes et des règles de l'islam. Donc il a propagé les principes et les règles et les enseignements de l'islam dans les différentes villes, et il a revivifié et réformé la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour la faire reconnaître, pour que les gens commencent à la connaître à nouveau. Et il n'a eu peur de personne dans cette vérité. Il a créé le blâme de personne, parmi les gens qui blâment. Il a mis en garde les gens du commun, comme les ulama en particulier, de la menace qui risque de se concrétiser contre eux s'ils continuent dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le verset 159 dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit, ce qui signifie ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre de signes clairs parmi les preuves et la guidance ce qui cache, ce que nous avons fait descendre comme preuve claire et comme guidance après que nous l'ayons clarifié aux hommes dans le livre, alors ceux-là seront maudits par Allah et ils seront maudits par tous ceux qui maudissent. فدعا ذكره في جميع بلدان العارض في حريملة والعيينة والدرعية والرياض مفتوحة ومنفوحة وأثنى عليه ناس كثيرون وانتظم حوله جماعة اقتدوا به واتبعوا طريقه وقرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير وصنف تلك السن وصنف في تلك السنين كتاب التوحيد وانقسم الناس فيه فريقين. Donc le cheikh il dit que donc à partir de ce moment-là, son nom a commencé à se faire connaître dans toutes les villes de la région. Que ce soit Hureymila ou Al-Uyayna, ou Daraïa, ou Al-Riyad, ou Al-Manfouha. Les gens ont commencé à lui faire des éloges, et des gens commençaient à venir se réunir autour de lui, et à prendre son exemple, et à suivre sa voie, et il lui lisait les livres de hadith, les livres de fiqh, les livres de tafsir. Et c'est dans cette période-là aussi qu'il a écrit et compilé le livre Kitab al-Tawhid. Et les gens se sont divisés en deux groupes vis-à-vis de lui. Fariqun taba'ahu wa bay'ahu ala ma da'a ilayh wa fariqun 'adahu wa harabahu wa ankara dhalika 'alayhi wa hum al-akthar. Wa la sayyama al-fusaq wa ahl al-batil minhum. حتى هم بعض العبيد الفسقة في حريملة على قتل الشيخ رحمه الله فننجاه الله منهم وخرج منها إلى العيينة والتقى بأميرها ابن معمر فاتبعه ونصره وحصل بذلك خير كثير من قطع لأشجار الشرك وهدم لبعض القبور وذاع صيت الشيخ حتى حسده أعداؤه من أهل الباطل والشرك فوشوا به إلى سليمان آل محمد رئيس الأحساء فكتب إلى حليفه ابن معمر بقتله أو إخراجه فآثر هذا الدنيا وخاف على نفسه منه وأخرج الشيخ رحمه الله من العيينة OK, donc ils se sont divisés en deux groupes par rapport au cheikh. Le premier groupe qui l'ont suivi, qui lui ont donné allégeance à ce à quoi il appelait, hein, et un autre groupe qui s'opposait à lui et qui lui déclarait la guerre et qui dénonçait et condamnait ce à quoi il appelait. Et cela était la majorité. C'est-à-dire ceux qui s'opposaient à lui étaient la majorité. En particulier parmi les pervers et les gens de la fausseté. Hein, jusqu'à ce qu'ils ont même eu l'intention parmi certains pervers, il y en a qui ont eu l'intention même d'essayer de tuer le cheikh dans la ville de Hureymila. Ils ont même voulu tuer le cheikh. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Alors il est sorti de Hureymila et il est parti à la ville de Uyayna. Et il a rencontré l'amir de Uyayna qui s'appelait Ibn Mu'ammar. Et Ibn Mu'ammar l'a suivi. Il lui a donné son aide et son support. Et à cause de ça, il y a eu un grand bien qui s'est produit, puisqu'ils ont coupé un arbre avec lequel les gens faisaient du shirk, et ils ont également détruit certaines tombes que les gens adoraient. Et on a entendu donc l'appel du cheikh de venir encore plus diffuser, et sa voix s'est répandue encore plus jusqu'à ce que ses ennemis commencent à être jaloux de lui. Et les gens du faux et du shirk ont commencé également à être jaloux de lui à cause de ça. Alors ils sont allés voir un des amirs qui était le responsable de la région de Al-Ahsa à l'époque, pour essayer de le mettre contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pour l'inciter contre le cheikh. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre à son allié, parce que ce dirigeant-là qui s'appelait le responsable ou le dirigeant de la région de Al-Ahsa, qui s'appelait Suleyman ibn Muhammad, lui, il était un des alliés de Ibn Muhammad, c'est-à-dire Ibn Muhammad était un de ses alliés. Et il lui a écrit, Suleyman Al-Muhammad, il lui a envoyé une lettre à Ibn Muhammad pour ordonner de le tuer, c'est-à-dire pour ordonner à Ibn Muhammad de faire tuer ou d'expulser le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et pourquoi? Parce qu'il recevait de l'argent de Al-Ahsa, donc pour pas qu'on lui coupe l'argent qui lui était envoyé de Al-Ahsa, il a préféré donc expulser le cheikh et le chasser de Uyayna. Donc le cheikh est parti. Le cheikh est parti de cette région-là parce qu'il a été expulsé par Ibn Muammar, qui a préféré la dunya et qui a eu peur pour lui-même à cause de la da'wah du cheikh. Donc le cheikh, à cause de ça, il a été expulsé de Al-Uyayna. Lorsque le cheikh dit ensuite, ولما خرج الشيخ رحمه الله من العيينة اتجه سنة 1158 إلى بلدة الدرعية وأميرها يومئذ محمد بن سعود رحمه الله. فلما سمع الأمير بمقدمه قام من فوره مسرعا إليه ومعه أخواه ثنيان ومشاري وأتاه في بيت محمد بن سويلم فسلم عليه وأبدى له غاية الإكرام والتبجيل وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده. Donc lorsque le cheikh a été expulsé de la ville de Uyayna, il s'est dirigé vers la ville de Dar'iyya en l'an 1158. Et à l'époque, le dirigeant ou le responsable de la ville de Dar'iyya, c'était nul autre que le cheikh Mohammed ibn Saoud, rahimahullah. Et c'est de là que vient aujourd'hui le nom justement qu'on attribue ou qu'on donne au royaume de l'Arabie. On appelle le royaume de l'Arabie Saoudite, Al-Saoudiya. Pourquoi? Parce que justement c'était le cheikh Mohammed ibn Saoud rahimahullah qui était le dirigeant de la région. Et étant donné que il a donné le support à cette da'wah et au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va voir dans qu'est-ce que le cheikh a expliqué, il lui a donné le dessus sur les ennemis et sur les opposants par la suite, et il a fait en sorte que le tawhid et la sunna soient propagés dans le pays et dans toute la région. Donc le cheikh, il explique que lorsque Mohammed ibn Saoud, le responsable ou le dirigeant de Dar'iyya, a entendu que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab approchait ou arrivait, eh bien il s'est dirigé tout de suite à sa rencontre, lui ainsi que ses deux frères, Thanayyan et Mashari. Ça, c'est les deux frères du cheikh Mohammed ibn Saoud. Et ils sont arrivés à la maison de Mohammed ibn Suwaylim, qui était un des élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ils sont allés, l'amir est allé voir le Cheikh dans la maison de Mohammed ibn Suwaylim. Ils lui ont donné le salam et ils l'ont honoré, ils lui ont donné beaucoup de respect. Et ils l'ont informé, c'est-à-dire l'amir a informé le Cheikh qu'il allait le protéger et le défendre comme il défend ses femmes et ses enfants. Hein? Le Cheikh il dit ensuite فأخبر الشيخ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم من بعده وما أمروا به وما نهوا عنه وأن كل بدعة ضلالة وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم وجعلهم إخوانا ثم أخبره بما عليه أهل نجد في زمانه من مخالفتهم لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله والبدع والاختلاف والظلم فلما تحقق الأمير محمد بن سعود رحمه الله معرفة التوحيد وعلم ما فيه من مصالح الدينية قال له يا شيخ إن هذا دين الله إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه فأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a informé l'amir Mohammed ibn Saoud de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam suivait. Ce sur quoi il était. Et il l'a invité à suivre cela. Il lui a mentionné ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait, ce à quoi il appelait, et ce à quoi appelait également après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui leur avait été ordonné et ce qui leur avait été interdit. Et il lui a expliqué que toute innovation est un égarement et que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné la puissance et la victoire par le jihad dans le sentier d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala les a enrichis dans cette voie et les a fait d'eux des frères. Puis il leur a informé, le cheikh il a informé l'amir des exemples de ce qui se produisait, de ce qui existait à l'époque chez les gens du Najd, parmi les différentes choses qui sont des contradictions avec la législation d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme les exemples de shirk avec Allah que les gens pratiquaient et les différentes formes d'innovation et de contradictions et de divergences et d'injustices. Puis, le cheikh, lorsqu'il a réalisé, lorsque l'amir Mohammed ibn Saoud a bien compris et réalisé le tawhid et a bien connu le tawhid, il a su donc qu'est-ce qu'il y avait dans ça comme bienfait religieux, et il a dit donc au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, « Oh cheikh, ça c'est la religion d'Allah et de son messager. » Au sujet de laquelle il n'y a aucun doute. Alors, réjouis-toi de mon support pour toi et de ce à quoi tu as ordonné, donc de mon support pour toi et pour ce que tu ordonnes, et également réjouis-toi de la lutte qu'on va porter à toute personne qui contredit le tawhid. Donc le cheikh il dit fa basata al-amir Muhammad yadahu wa bay'a al-shaykh ala dinillahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi wa iqamati shara'i al-islam wal amr bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Donc le cheikh l'amir Muhammad a étendu sa main et il a donné l'allégeance au cheikh sur le livre d'Allah, sur la religion d'Allah et de son messager, et le jihad dans son sentier pour l'établissement des différentes les différentes législations et règles de l'islam et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. ويلاحظ أن هذه البيعة أو في هذه البيعة أنها لأمير متغلب على بلد على بلد تجب طاعته على من تحت أهل البلد على من تحته من أهل البلد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دخل بهذه البيعة في طاعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي عاهده على إقامة شرع الله والدعوة إلى توحيده ومحاربة الشرك والبدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc c'est ça. Donc l'amir Mohammed, il a étendu sa main. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il lui a donné la bay'ah sur le livre d'Allah et sur la religion d'Allah et de son messager et le djihad fi sabilillah et l'établissement des règles et des principes et des règles de l'islam et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et qu'est-ce qu'on peut constater ici dans cette bay'a? C'est que c'est une bay'a qui est donnée à un dirigeant qui a pris le dessus sur une ville, qui est le chef et le responsable de cette ville, donc son obéissance est obligatoire à tous ceux qui sont dans ce pays et tous ceux qui sont sous son autorité. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah est rentré par cette bay'a, il est rentré sous l'obéissance de l'imam Muhammad ibn Saoud rahimahullah, hein, et il lui a donné donc son entente qu'il allait établir la religion d'Allah, la sharia d'Allah, la loi d'Allah, et qu'il allait appeler au tawhid, et qu'il allait combattre le shirk et les bid'a, et qu'il allait ordonner le bien, et qu'il allait interdire le mal. ومن هذا اليوم المبارك. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici, le point important à comprendre, c'est que cette bay'a, c'est pas comme les bay'at des soufis, ou bien les bay'at des gens de Hizbiyya, comme les gens qui font des groupes et des partis et qui donnent une allégeance au chef d'un groupe islamique soi-disant, ou bien à un cheikh d'une tariqa soufia, alors qu'ils sont dans un pays où il y a un dirigeant. Et ça c'est interdit, puisque dans l'islam, si on est sous l'autorité d'un dirigeant dans un pays, on n'a pas le droit de donner allégeance à quiconque autre que ce dirigeant-là. Donc ceux qui donnent des allégeances à un cheikh ou à un responsable d'un groupe islamique à l'intérieur d'un État, ça c'est considéré comme une forme d'innovation, une forme de bid'a. Hein? Et c'est ça qui se passe chez les soufis et chez les ikhwan. Hein? Ils ont des allégeances comme ça au parti et chez beaucoup d'autres groupes de cette catégorie-là. Donc le cheikh il dit c'est pas ça qui se passe ici, puisque c'est une allégeance à un dirigeant qui est déjà au pouvoir, qui est responsable de la ville, et donc c'est une bay'a en plus établie sur quoi? Sur le fait qu'on va juger par la sharia d'Allah et qu'on va établir le tawhid, qu'on va combattre le shirk et les bid'a, et qu'on va redonner le bien et qu'on va interdire le mal. Donc c'est pas comparable à qu'est-ce que font les gens de bid'a parmi les soufis ou bien parmi les autres groupe et les gens d'égarement. Après le cheikh il dit ومن هذا اليوم المبارك انطلقت هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية السلفية بقيادة الإمامين محمد بن سعود رحمه الله بقوة السنان ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوة القرآن لنشر الأمن والإيمان والخير والنور حتى عم خيرها ونورها بلاد العالم الإسلامي بل تعداها إلى سائر أرجاء المعمورة بعز عزيز أو بذل ذليل. وعلى الرغم من قوة عدائها ومكرهم وكيدهم فقد نصرهم الله وجعل العاقبة لهم وخذل أعداءهم ولله الحمد. Donc le cheikh il dit que يعني ومن هذا اليوم donc depuis ce jour béni c'est depuis ce jour béni que la da'wa réformatrice et يعني régénératrice de la salafia donc de cette da'wa salafia qui est réformatrice et régénératrice elle depuis ce jour-là elle a commencé à revenir sous la responsabilité ou la dirigeance de ces deux imams l'imam Muhammad ibn Saoud qui avait avec lui la force de l'épée et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui avait la force du Coran donc ces deux forces réunies pour répandre la sécurité et la foi le bien et la lumière jusqu'à ce que ce bien se répande hein, et se généralise et cette lumière se répande et se généralise dans dans les pays musulmans et qu'elle dépasse même hein, les pays musulmans pour aller même dans les régions où il y a des non-musulmans aussi et dans le monde entier qui humilie l'humilier et qui élève hein, la personne qui élève et qui rend puissante la personne qui s'y accroche et qui humilie la personne qui s'y oppose malgré les oppositions et les forces des ennemis et des ruses qu'ils faisaient contre cette da'wah et de leur complot contre cette da'wah malgré tout ça Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire et leur a donné la bonne issue et la bonne conclusion la bonne fin hein, et il a abandonné hein, et fait périr ceux qui s'opposaient à cette da'wah et qui étaient les ennemis de cette da'wah walhamdulillahi rabbil alamin donc ensuite le cheikh il dit وقد قامت بسبب هذه الدعوة المباركة دولة الإسلام في الجزيرة العربية فاجتمعت الأمة من بعد الفرقة وعزت من بعد الذلة واغتنت من بعد العالة والفاقة ودخل الناس في دين الله أفواجا وقد حدث لهذه الدولة المباركة حوادث وفتن انتهت بسقوطها مرتين لأسباب معلومة داخلية وخارجية لكنها ولله الحمد عالجت بتوفيق الله هذه الأسباب وعادت على يد الملك المجدد عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله قوة قوية عزيزة متماسكة ولا زال أبناؤه الميامين سائرين على نهج والدهم رحمه الله في نصرة هذا الدين ودعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك عبر مؤسساتهم التعليمية والدعوية باذلين في سبيل ذلك الجهد والجاه والمال فجزاهم الله خيرا على الإسلام وأهله وأعزهم بعزه وأيدهم بتأييده ونصرهم وثبتهم على الهدى لأنه ولي ذلك والقادر عليه le cheikh il dit que à cause de cette da'wa bénie il y a eu l'établissement d'un état de l'islam un état établi sur l'islam un état islamique dans la péninsule arabe hein? Ça c'est une chose que les hizbiyin aujourd'hui ils sont en train de nier ils disent on veut établir un état islamique et quand tu leur dis l'Arabie Saoudite c'est un état islamique ils disent non c'est pas un état islamique hein? Et pourquoi parce que ils veulent que ce soit avec leur système et leur manhaj dévié qui oppose la sunna que les états soient établis parce qu'ils veulent le pouvoir pour eux hein? Donc malgré que tu appliques la sharia malgré que tu appelles au tawhid, malgré que tu combats le shirk et les bid'a, non, pour eux non, ça c'est pas un état islamique. Hein? Donc c'est quoi un état islamique pour ces gens-là? Hein? Tu vois que, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est quoi? C'est ça qu'ils prétendent être un état islamique. Un état où on n'appelle pas au tawhid, on n'interdit pas le shirk, et où on combat pas les bid'a. c'est ça pour eux un État islamique. Et un pays où on suit les exemples et les modes de politique et autres de ce que les koufars ont inventé comme système politique ou économique ou autre. Ça, c'est pour eux, c'est un État islamique. Hein? Donc, ils opposent la vérité de ce que c'est réellement un État islamique et ils, supportent tout ce qui s'oppose à la réalité. Et même tu entends certains aujourd'hui, parmi les Ikhwan et parmi les autres, parmi les gens de Bid'ah, et même parmi parfois certaines femmes dans les pays des Kuffar, qui portent le niqab ou qui portent le hijab, et quand elles veulent mentionner des choses à propos de ça, elles disent par exemple, oui, nous on porte le hijab, on porte le hijab de notre propre gré, personne ne nous a forcé à le faire, on le fait en toute liberté. Et il dit, c'est pas comme dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite où on force les gens à le faire. Donc comme si c'était un blâme du fait qu'on ordonne, qu'est-ce que Allah a ordonné. Mais ça, c'est une responsabilité du responsable musulman et du dirigeant musulman dans un pays musulman, d'ordonner ce qui est ordonné par Allah et d'interdire ce qui est interdit par Allah. Donc de parler de cette façon-là aux kuffars et de leur dire ça de cette façon-là, ça montre que quelqu'un n'a pas vraiment réellement compris, hein, qu'est-ce que c'est l'islam. Parce que on peut pas dire à quelqu'un dans un pays musulman, ah oh, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, comme c'est le cas dans certains pays. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez pas obéir à Allah, on vous laisse. Vous voulez obéir à Allah, on vous laisse. Non, le musulman, en commençant par le dirigeant et ceux qui sont responsables, qui ont une wilaya, ceux qui ont une wilaya, qui ont une responsabilité, ils ont devant Allah la responsabilité de faire appliquer les règles d'Allah sur ceux qui sont sous leur autorité. Donc il n'y a pas de mal là-dedans. Donc c'est qu'est-ce que le cheikh il explique ici. Et donc il y a eu donc l'établissement de cet État islamique et la Ummah s'est donc réunie. La Ummah s'est réunie dans cette région-là après avoir été divisée. Et ils ont été fiers et puissants après avoir été humiliés. Et ils ont été enrichis après avoir été pauvres et après avoir été dans le besoin. Et les gens ont commencé à entrer dans la religion d'Allah par groupe. Hein? Et il y a eu donc par la suite, bien entendu, différentes fitanes dans ce pays béni. Il y a eu différentes fitanes qui sont arrivées, qui ont mené à la chute de l'État pendant à deux reprises, hein, à cause des causes bien connues, intérieures et extérieures, hein, qui ont mené à la chute de l'État à deux reprises. Hein, des fois, c'est à cause des armées qui ont été envoyées par les ennemis du Tawhid. Hein, l'armée de Mohamed Pacha de l'Égypte qui avait été envoyée pour combattre la da'wah du Cheikh dans la région du Najd, et une autre fois également à une autre reprise aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Alhamdulillah, par le succès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ces choses-là ont été résolues par la suite, ces causes-là ont été résolues et l'état de l'Arabie Saoudite est revenu par la main du roi et du réformateur Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saoud, et elle est revenue en force, hein, et en puissance, et elle s'est rassemblée, et elle continue dans cette voie-là, hein, par ses fils qui suivent cette voie encore, la même voie que la voie de leur père, rahimahullah, et continue à défendre la religion et à défendre la da'wa du tawhid et à avertir les gens contre le shirk à travers les différentes institutions d'éducation et de da'wa. Et ils dépensent dans cette voie beaucoup d'efforts. Ils dépensent également de leur statut, de leur position et de leurs biens pour arriver justement à faire en sorte que cette da'wah soit propagée, Alors que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure récompense pour l'islam et pour les musulmans, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la puissance et les supporte de son support et leur donne la victoire et les raffermisse sur la guidance. Il est certes celui qui détient la capacité de cela et qui est le défenseur et le protecteur de cette cause. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, قال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Le Cheikh il mentionne ce verset dans le Coran, le verset 40 et 41 dans Sourate Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah va certes donner victoire à ceux qui viennent en aide à sa cause et à sa religion, et certes Allah est puissant et fort et puissant. Ceux qui, lorsque on les a raffermis sur la terre, établissent la salat et donnent la zakat et ordonnent le bien et interdisent le mal, et c'est la conclusion des choses appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que celui qui vient en aide à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va venir à son aide, il va lui donner la fermeté sur la terre, et que lorsqu'il a eu le pouvoir et qu'il établit ces choses là il établit la salat, il donne la zakat, il ordonne le bien, il interdit le mal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les raffermir, et c'est ce qui est arrivé et c'est ce qui continue inshallah. Donc inshallah on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera bi'iznillah au prochain cours la suite des explications de en quoi consistait la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et comment il a donc géré toutes ces fitanes qui se produisaient à son époque. Et inshallah ça ce sera le dernier point, le dernier exemple que le Cheikh Mohammed al-Aqil a mentionné, comme les différents exemples de nos ulama et de nos imams et de nos salafs par rapport à leur position vis-à-vis les fitanes. Et ensuite on passera à la troisième partie du livre qui est أثر هذه المواقف على الفرد والأمة. L'effet de ces différentes positions là sur les individus et sur la Ummah en général. Et il va mentionner dans ce point là la prochaine partie du livre, il va mentionner différents exemples. Ça c'est dans le chapitre, dans la partie 3, بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن وأثرها على الفرد والأمة وبيان جذورها التاريخية. Donc il va expliquer certains exemples des contradictions, certains exemples qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf par rapport au fitan et les conséquences de ces contradictions là sur les individus et sur la Ummah, et l'explication de leurs racines historiques. Et là, il va mentionner 8 points qui vont clarifier qu'est-ce qui arrive quand on contredit les positions des salafs à propos des fitanes. Qu'est-ce qui arrive comme conséquence négative à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.